Chapitre 6. Cependant, Bretillot et ses compagnons avaient atteint le rideau. Là, arrêtés, ils discutaient sur ce qu'il convenait de faire pour conjurer la mauvaise fortune. J'arrivai près d'eux après avoir rechargé mon fusil avec grande précaution cette fois. Ce fut Maximon qui m'adressa la parole, mais d'un ton hautain, comme il convenait à un maître. « Vous avez tiré ?» me dit-il. Oui, j'ai tiré. Un perdreau ? Pour rien au monde, je n'aurais avoué ma maladresse devant cet aéropage. « Et où est-il, ce perdreau ?» demanda Maximon en touchant mon carnet vide du bout de son fusil. « Perdu !» répondis-je effrontément. « Que voulez-vous ? Je n'avais pas de chien. Ah, si j'avais eu un chien !»« Allons, allons. Avec un tel aplomb, on ne peut manquer de devenir un vrai chasseur. » Soudain, l'interrogatoire que je subissais fut brusquement interrompu. Le chien de Pontcloué venait de faire partir une caille, à moins de 10 pas. Involontairement, par instinct, si l'on veut, je m'y en joue, et « POUM !» comme disait Matifa. Quelle gifle je reçus pour avoir mal épaulé. Une de ces gifles, il est vrai, dont on ne peut demander raison à personne. Mais mon coup de fusil avait été instantanément suivi d'un autre, celui de Pontcloué. La caille tomba, criblée, et le chien la rapporta à son maître qui l'a mis dans son carnier. On ne me fit même pas l'honnêteté de penser que j'avais pu être pour quelque chose dans ce massacre. Mais je ne dis rien. Je n'osais rien dire. On sait que je suis naturellement timide avec les gens qui en savent plus que moi. Ma foi, ce premier succès avait mis en appétit tous ces enragés destructeurs de gibier. Pensez donc, après 3 heures de chasse, une caille pour 7 chasseurs. Non, il n'était pas possible que sur ce riche terrain d'hérissard, il n'y en eût pas au moins une autre, et s'il parvenait à la tuer, cela ferait presque un tiers de caille par combattant. Le rideau franchi, on se retrouva sur le déplorable sol des terres labourées. Pour ma part, ces sillons qui obligent à faire des enjambées fatigantes, ces morceaux de glèbe entre lesquels le pied tourne, ne me vont guère, et je préfère de beaucoup l'asphalte des boulevards. Notre bande, avec sa meute, alla 2 heures ainsi, sans rien voir. Les sourcils se fronçaient déjà. Une sorte d'irascibilité farouche se manifestait à propos de tout et de rien, d'une souche contre laquelle on butait, d'un chien qui en coupait un autre. Bref, des indices non équivoques d'une mauvaise humeur générale. Enfin, un vol de perdreau se dessine à 40 pas, au-dessus d'un champ de betteraves. Je n'oserais affirmer que cela pût s'appeler une compagnie, ou c'était une compagnie réduite au minimum de l'effectif. En effet, elle ne se composait que de 2 perdreaux. Peu importe, je tirai dans le tas, et cette fois encore, mon coup de fusil fut immédiatement suivi de 2 autres. Pontcloué et Matifa avaient enfin fait simultanément parler la poudre. Un de ces pauvres volatiles tomba. L'autre s'envola de plus belle et alla se remettre à 1 kilomètre de là, derrière une forte ondulation du terrain. Ah, déplorable perdreau! De quelle dispute tu as été la cause? Quelle discussion entre Matifa et Pontcloué? Chacun se prétendait l'auteur du meurtre. Aussi, quels aigres répartis! Quels sous-entendus blessants! Quelles allusions regrettables! Et des qualificatifs! Accapareur! Il n'y en a que pour lui! Au diable les gens qui ne sont pas honteux! C'était la dernière fois que l'on chasserait ensemble. Et outre aménité, d'un genre plus picard, que ma plume se refuse à écrire. La vérité est que les 2 coups de ces messieurs étaient partis en même temps. Il y en avait bien eu un 3e qui avait précédé les 2 autres, mais cela n'était même pas discutable. Est-ce qu'il était admissible que ce perdreau eût été démonté par moi? Jugez donc, un écolier. Aussi, dans la querelle de Pontcloué et de Matifa, je ne crus pas devoir intervenir, même avec la généreuse pensée de les mettre d'accord. Et si je ne réclamais pas, c'est que je suis naturellement timide. Vous connaissez le reste de la phrase.